Vous êtes toujours dans l'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Voilà, on termine cette émission de l'actualité des luttes en vous diffusant l'appel d'Assa Traoré pour la marche pour Adama Traoré qui se déroulera le 20 juillet prochain à Beaumont-sur-Oise. Oui, moi je vais. Bonjour à tous, je vais faire très rapide. Il y a deux jours, j'ai fait. Vous savez, il y a la CAN qui se fait dans toutes les villes là. Et donc on va commencer, puisqu'on a invité sur les villes, mais on a commencé à Beaumont. Et quand j'arrive, il y a une jeune qui vient me voir et qui me dit Ah, ça, je suis désolé de te dire ça. C'est vrai que ton frère il est mort, c'est vrai qu'Adama c'était notre ami. Mais elle me dit Je suis fier de tuer un père sans Beaumont. Elle me dit, je ne l'ai jamais dit. Elle me dit pourtant, Beaumont, c'est une petite ville, mais elle me dit, je suis tellement fier de dire que je viens de faire Saint-Beaumont et de dire que je connaissais Adama Traoré. Et je lui dis non, mais ce combat, c'est le combat, c'est Beaumont, c'est chez nous. Et en fait, si on arrive sur le national, si on arrive ici aujourd'hui à République, si on arrive sur l'international, s'il y a des comités qui se font au Canada, au Mali, au Kenya, un peu partout, c'est parce qu'en fait, chez nous, si aujourd'hui le comité Adama, on peut dire qu'il y a un comité Adama, si on peut dire que le combat Adama, il est là, ça fait presque 3 ans, c'est parce qu'en fait, les gens de chez nous, ce sont eux, c'est eux qui tiennent le socle d'en bas. Si eux, ils lâchent, il y a tout le comité. Si eux, ils lâchent, tout tombe. Ça veut dire que, allez, le 20 juillet, comme Youssef, il a dit, c'est pas pour faire du nombre, mais c'est pour dire que bah, quand cette jeune fille, elle me dit, ah ça, je suis fier de dire que je viens de Paris Saint-Beaumont, bah, le 20 juillet, c'est on va vers ces personnes-là, on va vers ces jeunes-là et de leur dire bon bah nous on vient vous soutenir dans votre quartier, on vient avec vous dans ce combat justice et vérité pour Adama et c'est surtout je pense leur dire merci parce que c'est eux qui ont fait que le combat en arrive là. Et en fait, c'est même pas de dire voilà le comité Adama ou Assa, mais de dire voilà les toutes premières personnes, les toutes premières mains, les toutes premières révoltes, les toutes premières personnes qui sont révoltées, ce sont pas vous. Ce ne sont pas les autres personnes, ce ne sont pas les autres villes, ce sont les personnes de chez nous, ce sont les gens de Beaumont. Et quand on voit que chaque année, plus on avance, là on est sur la troisième marche, et plus on avance et qu'il y a du monde, bah c'est de dire, bon bah, ce combat-là, on vient vous aider, on vient vous porter aussi dans ce combat-là, bah on y va ensemble. Aujourd'hui, on arrive à 3 ans, on me dit, effectivement, Adama Traoré, il est mort parce qu'il... Quand je dis qu'Adama Traoré, il est mort parce qu'il était noir, on me dit oui, mais Assa Traoré, cette phrase, elle est un peu. C'est un peu fort, hein, c'est un peu violent. Il y a beaucoup de journalistes qui m'ont dit, mais elle est un peu violente, cette phrase, de dire que Adama Traoré, il est mort parce qu'il était noir. Parce que c'est mon frère, mais j'aurais pu dire il est mort parce qu'il était arabe. Je lui dis, mais si mon frère, si ce jeune garçon du 19 juillet n'avait pas été mon frère avec un homme blanc, est-ce que ce jeune garçon, cet homme blanc, aurait pris 250 kilos sur lui ce jour-là? Est-ce qu'il aurait pris autant de violence? Est-ce qu'il aurait subi un plaquage ventral? Est-ce que le corps de cet homme noir, de cet homme blanc, aurait été jeté dans une cour de gendarmerie sans qu'on vienne lui porter secours? Est-ce que le corps de cet homme blanc-là, des pompiers, auraient insisté pour qu'on lui retire les menottes? Et la réponse que j'ai en face de moi, elle est systématiquement non. Et j'ai envie de dire, tant mieux que c'est non. Je ne cherche pas à dire qu'il faut que d'autres personnes la subissent, mais qu'en fait, c'est que les personnes qui ne la subissent pas bah, viennent porter le combat et viennent dénoncer. Personne ne doit rester spectateur de ce qui peut se passer dans notre quartier à Beaumont ou dans les autres quartiers. Tu ne la subis pas, tu ne subis pas cette violence ou tu l'as subie depuis les gilets jaunes. Viens, on y va ensemble. Le bateau, c'est un grand bateau. Aujourd'hui, c'est le Titanic, sauf que nous, on ne va pas aller sur l'iceberg, on va pas se cracher. Le bateau ne va pas couler. Par contre, on va le remplir et on va aller ensemble. Et cette machine de guerre qui est en face de nous, parce qu'elle est encore là, elle n'est pas transparente, elle est là, elle n'est pas encore tombée. On ne l'a pas encore renversée. Le 20 juillet, on a fait les gilets jaunes, on a fait plein de trucs, il n'y a pas de souci. Mais le 20 juillet, c'est une date où tout le monde doit être là. Parce que, comme Youssef l'a dit, moi, tous mes petits frères sont en prison. Les gens, ils auraient pu dire, on arrête Assa Traoré. De chez elle, c'est la seule, elle y va pas. Les jeunes de chez nous n'ont pas lâché. Ils ont continué et plus on avance, plus ils en mettent en prison. Aujourd'hui, on a les interdictions du Val d'Oise. Je sais pas si vous rendez compte. C'est comme si on mettait des interdictions de la région parisienne à certaines personnes. Là, on fait des interdictions sur un département. Le Val d'Oise, c'est super grand. Et on interdit à des personnes de pénétrer c'est même pas dans la ville. Déjà dans la ville, il y a leurs parents, il y a leurs frères, il y a leurs familles, ils ont des femmes. Et là, on les interdit sur un périmètre beaucoup plus large. C'est violent. Même psychologiquement, il y a eu le procès il n'y a pas longtemps. Sur 10 jeunes, on a mis des interdictions. Sur des fois, c'est ça. Et sur de minimum de 2 à 4 ans. Sur 4 ans, tu ne pénètres pas dans le 95. Tu ne viens pas chez toi. Même psychologiquement, pour une personne, il y a cette violence de judiciaire dans le combat Adama. Et en plus, on leur dit, tu n'as pas le droit de venir. En fait, on est en 2019. On est en France qui se dit liberté, égalité, fraternité. Mais en fait, non, c'est pas vrai. En tout cas, pour nous, c'est faux. Nous, on subit l'antidémocratie à fond. C'est-à-dire qu'on a le droit de nous tuer. On a le droit de nous mettre en prison. Et en plus, on nous fait un périmètre. Voilà, bientôt, on va nous faire un mur. On se sent déjà en prison. Après, moi, je force personne. Hein. Le combat de mon frère, quoi qu'il arrive, moi, le combat qu'on est dans, on a vu tous mes petits frères en prison, j'ai un frère qui est mort. Peut-être que c'est moi qu'on mettra en prison. Comme j'ai dit, le combat Adama Traoré, aujourd'hui, c'est un combat qui appartient à tout le monde. C'est-à-dire qu'on me met en prison. Chaque personne qui se dit, en tout cas, défendre la dignité humaine de n'importe quelle personne se doit de continuer ce combat-là. Et c'est de dire, le combat, on va le porter. Parce que c'est pour tout, Adama Traoré. C'est pour tous ces jeunes garçons qu'on a tué, c'est pour tous ces jeunes garçons qu'on a muselés. Quand on les met en prison, ces garçons, c'est pourquoi ? Je veux dire, mais on ne vous veut pas dans la société. Allez en prison, taisez-vous, dégagez. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, ce combat-là, au-delà de Adama, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, il faut changer. Il faut changer cette vision-là. Et personne ne doit rester spectateur. On n'est pas là pour dire, mais non, toi, tu l'as subi plus que moi. Tu l'as subi pas, tant mieux. Tu l'as subi un cran en dessous. Tant mieux aussi, tu l'as subi, tu l'as jamais même vu, tant mieux. Bah viens, on y va. On y va ensemble. Et cette machine de guerre-là, elle n'est pas encore renversée. Nous sommes devenus tous des soldats malgré nous. On aurait aimé avoir une petite vie tranquille et pas défendre tout ça parce que ça n'existe pas. Bah malheureusement, si. Et on veut que le mouvement, en tout cas, dans le comité Adama, c'est ce qu'on fait depuis 3 ans. C'est ce qu'on essaie de créer. C'est un combat qui est ouvert à tout le monde. C'est un combat que tout le monde doit porter. Peu importe d'où tu viens. Il y a 3 ans, il y a 2 ans, des personnes trans ont fait un courrier de l'aide publique en disant voilà, c'est la première fois qu'on vient dans un quartier populaire. Et on n'était jamais venu et on nous a même pas regardé. En fait, le combat Adama, c'est pas de qui tu viens, quoi tu vas. On y va ensemble. L'année dernière, il y a des gens qui m'ont dit ah, c'est super, tout le monde était mélangé. Il y avait tout le monde. Et en fait, les gens, c'est un sentiment de fierté. Peu importe qui tu es, d'où tu viens, de quel endroit, de quelle origine, de quelle ethnie, de ce que tu manges, de ce que tu manges pas, bah en fait, juste de dire, bon bah, on est tous ensemble, je te connais pas, il me connaît pas, on vient même pas du même endroit. Il y a une mamie qui a pris qui venait du sud de la France, et elle a dit, je suis jamais venue dans un quartier populaire, j'ai dû l'être à Adama, commencé à suivre, elle m'a dit, j'ai pris le bus, j'ai fait 9 heures de bus, et elle m'a dit, aujourd'hui, je suis là dans votre quartier, elle me dit, je connais pas. Bah quand elle dit ça et qu'on vient de me dire, bah les gens même qui reçoivent, c'est un sentiment de fierté. Parce qu'on va là, on y va ensemble. Donc moi, j'espère que vous allez venir, que vous allez partager, que vous allez faire passer l'info, qu'on va faire du collage, qu'il y aura du monde, que vous serez là. Ceux qui ne seront pas là, vous n'êtes pas là. Ceux qui seront là, bah on y va. Mais là, aujourd'hui, il ne faut pas louper en tout cas. Ce moment-là, le rapport de force, il est là. On est dans un tournant qu'il faut, le virage, il faut le prendre correctement. Si on bascule, on va tomber. Aujourd'hui, on a mis la justice, on les a mis à terre, on les a mis à genoux. Maintenant, on ne reste plus qu'il faut les mettre à terre. Et ça se fera, vous dites-vous bien que si, dans un combat de quartier populaire, si on arrive à mettre à terre la justice, on aura trop gagné, même pour tout le monde. C'est-à-dire que nous, qui sommes déjà bien en dessous de tout le monde, on a réussi ce combat-là. Les mensonges, tout le monde connaît la vérité. En fait, le combat d'Adama Traoré, on l'a gagné en vérité. On l'a gagné. Tout le monde sait que mon frère n'est pas mort de cause cardiaque, d'infection très grave, d'alcool, de drogue. On a réussi à imposer la voix des quartiers, on a réussi à imposer les jeunes hommes noirs et arabes, on a réussi à imposer leur voix et leur dire ils sont présents. Le combat, on l'a gagné. Mais maintenant, il faut juste les mettre à terre. Et ça, pour pousser cette machine-là à renverser, il faut qu'il y ait plus de bras. Il faut remplir le bateau. Donc, moi, je vais arrêter là. J'espère que je serai là.